Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le sacré aurait déserté l'espace public. La chose ne date pas d'hier, c'est un constat que l'on pouvait déjà entendre en 1974 dans une série d'émissions intitulée « Aspects du sacré dans le monde moderne ». Une série dont vous allez entendre le troisième épisode consacré à la musique. Une musique sacrée de notre époque. Il ne sera pas ici question de requiem ou de formes traditionnelles bien connues des musiques religieuses, mais bien de musique contemporaine avec des interventions de compositeurs comme Yanis Xenakis ou Jean-Claude Eloy. Qu'y a-t-il de proprement mystique dans l'acte de créer de la musique? C'est ce qui nous est conté dans cette émission. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, le sacré dans la musique contemporaine. À la recherche d'une définition, Gilles Tremblay. Qu'est-ce que la musique sacrée? On peut peut-être commencer par faire des réponses négatives. À mon avis, il ne suffit pas, par exemple, de dire qu'une musique soit sacrée pour qu'elle le soit vraiment. Il y a des musiques qui ont été composées pour liturgie pour qu'elles deviennent par le fait même sacrées. Par contre, à mon avis encore, il y a des musiques qui n'ont pas été composées en vue de liturgie et qui sont sacrées. J'irai même plus loin. Je crois, comme compositeur, que tout mouvement créateur, et je crois que ça s'applique aussi à tout l'art en général, tout mouvement créateur a un élément de sacré, car il continue, pour ainsi dire, le geste de la création. Il imite dans une certaine mesure ce geste de la création, et parce qu'il continue ce geste, parce qu'il est informé par ce geste, eh bien, il devient sacré puisqu'il fait penser à Dieu créateur, le créateur de toutes choses. Il se situe dans cette lignée, dans ce rappel et cette destination. C'est ça, oui. Et non seulement ça, mais tout pour plusieurs créateurs, même non-croyants, l'œuvre est presque nécessairement une sorte de gloire. De gloire élevée, d'alléluia. C'est assez difficile à expliquer. Je vais tenter de le faire quand même. Ce mouvement créateur provoque chez l'artiste un « oh » exclamatif. Un « oh » alléluia qui est une sorte de rebondissement de la création. C'est-à-dire qu'il pousse un « oh » parce qu'il reconnaît le Dieu créateur dans la nature. Et ce « oh » lui-même est informé par ce mouvement créateur. Je sais que c'est assez difficile à saisir, j'essaie de l'exprimer dans mes mots, mais pour moi, il y a dans toute création un mouvement alléluia. Mais la question, vous allez mettre avec moi, Gilles Tremblay, qu'à ce moment-là, la question reste entière, parce qu'on va dire, quelqu'un qui vient de composer, de créer une petite chansonnette, vient peut-être de faire du sacré, puisqu'il vient de faire une création. Et la question reste entière, qu'est-ce que vous entendez par une création qui atteint le sacré? Il se peut très bien que quelqu'un qui fasse une petite chansonnette atteigne le sacré. Tout dépend de la qualité de sa chansonnette. Encore une fois, ce ne sera pas le fait d'être une chansonnette ou d'être autre chose, ou d'être une symphonie qui la rendra sacrée. C'est, et je ne voudrais pas du tout pontifier, mais à première vue, c'est quand même la qualité de ce qui est fait. Et quels sont les critères pour juger de cette qualité de ce qui est fait? Je ne veux pas entrer dans une discussion philosophique, ni même esthétique, parce que l'art, comme la poésie, ne se cerne pas avec des critères et des mots et un vocabulaire et un langage scientifique. Non pas qu'il y a l'opposition entre, les deux, mais il s'agit de deux langages différents. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je rêve d'une expression religieuse, entre autres, d'une expression religieuse qui soit d'ordre prophétique et poétique, intuitive, plutôt que, d'ordre rationnel. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on chasse le sacré. Yanis Xenakis. Une musique sacrée, je pense qu'elle n'est pas possible actuellement. On peut prétendre faire des œuvres, composer des musiques qui soient sacrées, mais en réalité, elles ne correspondent ni à une musique sacrée, parce que la musique a été portée surtout par les épaules profanes, elle a quitté les lieux comme autrefois des églises et du culte, et donc c'est du milieu profane que devrait sortir une musique sacrée. C'est pour ça qu'il me paraît impossible. La tradition est complètement perdue, rompue. Et de notre côté, ce qu'on entend par sacré est tellement différent de la nature même de la musique qui aurait pu être sacrée. Et la musique magique n'existe pas dans ce sens-là. Elle a d'autres magies, mais elle n'est pas magique au sens religieux, au sens des pouvoirs de l'homme. De notre côté, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait des musiques qu'on pourrait appeler de manière marginale sacrée. Lorsque j'ai fait de la musique pour des tragédies antiques, mais sans qu'elles soient des reconstitutions archéologiques, elles ont une sorte de traduction d'une réminiscence, dirais-je, du sacré antique dans l'Orestie, dans Médéa de Sénèque, ou alors dans toutes les préoccupations majeures du point de vue esthétique ainsi que philosophique de la composition musicale, telle que le choix déterministe ou indéterministe dans le domaine de la composition qui, c'est-à-dire le hasard, la causalité. Mais ce sont des notions qui autrefois étaient proches des religions et qui ont été perdues pour les religions. Sont devenues d'abord des questions philosophiques, déjà depuis la plus haute antiquité. Et puis aujourd'hui, ce sont des questions du domaine scientifique, c'est-à-dire expérimental. Alors, il ne subsiste plus le côté sacré d'autrefois. Vous me disiez tout à l'heure que votre œuvre, à certains côtés, certaines œuvres précisément, atteignaient au sacré d'une façon marginale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une résurgence comme ça d'un drame antique qui était interprété, c'est ce que vous vouliez dire ? D'une manière tangible, oui. Ça traite de force, de divinité, toute l'Orestie, c'est la lutte de deux types de divinités, l'une ancestrale avec les Furies, les Erinies, et l'autre avec les dieux de l'Olympe. Mais en dehors de ça, dans une œuvre comme Persephassa, par exemple, dont le nom et le nom d'une divinité, c'est Perséphone, qui était un culte agraire formidable. Et c'est une œuvre qui est beaucoup plus... elle n'est pas du tout sacrée, mais elle est dans le domaine du magique, de la magie, c'est-à-dire de l'incantation, qui est une technique de l'homme, n'est-ce pas, pour se mettre dans des situations diverses. C'est-à-dire que même l'incantation peut être détachée complètement du sacré au sens chrétien, au moins, et la considérer comme une technique au même titre que la prière. Pater, et nos pater, tisi fame nosi tirexas, tisi mane case nourissa senza serus in evne. Clifinin, o pater, en meri polida crita penthi, dipestis epitim vios trinos anastenasi. Irali pilio prostinos licion pater volit mitos catinaristis. Liponan efclian enzomis in technon ten celepsis epistreptoneo. Tisas polioxon anies tafon diapon diu rasomas in efoliton. Nidipo troias tiches ifimenos pater metallo duric miti lao, paras camandru poron te thafe paros dictanondes, ninutos damine in inthanati foron, esan prosotin apinthanes theton de ponon apiron. Zef, Zef, catus enam pembonis teropinon atan roton climonice panuco iris tocefsi thomos elite. Και πόταν αμφιθαλή Ζεύς επί χείρα βάλει, φεύ, φεύ, κάρα να δαΐξας, πίστα γέννητο χώρα δίκαν δεξαδίκον απαιτώ, κλείτε δε γαχτονίον τετιμέ. Pierre Barthélemy. Il faudrait savoir ce qu'on entend par musique sacrée. Si la musique sacrée est la musique en rapport direct avec l'action liturgique, par exemple, je crois qu'elle pose actuellement un très gros problème qui est lié au problème de la situation des musiciens et des artistes par rapport à ce qui, en Occident, représente officiellement le sacré, c'est-à-dire, par exemple, l'Église catholique, et qui apparaît comme très foncièrement lié à tout ce qui est conservateur, attachement à la tradition, empêchement de changer et de remettre les choses en question. Dans ce cas-là, je crois que la création, la vie, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tentative de renouvellement, tout ce qui est invention, et ce sacré-là, sont incompatibles. Bien sûr, il y a eu toutes sortes de tentatives de renouvellement de la musique liturgique, la musique de l'office liturgique, mais qui, à mon avis, n'ont abouti jusqu'à présent qu'à des résultats dérisoires et naïfs. Alors, si le sacré, c'est le mystère, il s'agit bien entendu de toute autre chose. Alors là, probablement que toute musique véritablement nouvelle, toute invention, nous révèle quelque chose du sacré. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer comme relevant de la musique sacrée, par exemple, une musique comme celle de Xenakis, qui essaye de, dans une certaine mesure, de refléter, du moins dans l'esprit, je crois, de son auteur, une certaine relation de l'homme avec le cosmos? Est-ce que ce n'est pas là, peut-être, une nouvelle direction dans ce que nous appellerons, entre guillemets, la musique sacrée contemporaine? Oui, probablement que, touchant à d'autres disciplines, touchant au nombre, à la mathématique et à tout ce qui, de ce fait-là, est relié aux autres domaines de la vie, de la connaissance, du cosmos et du système de fonctionnement des éléments les uns par rapport aux autres, Xenakis est dans ce domaine du sacré, comme je le définissais tout à l'heure, très vaguement d'ailleurs. Mais enfin, ce sacré-là, et je le mets bien entre parenthèses, parce que ce n'est pas un mot dont je raffole personnellement, parce qu'il est très galvaudé et tellement déterminé, peut toucher à des choses beaucoup plus matérielles aussi, telles que des notions comme la liberté, dans son œuvre Couleur croisée, Pousseur, fait allusion à un texte d'un chef indien qui dit « Chaque parcelle de ce sol est sacré ». C'est un texte qui est cité dans « Mobile » de Michel Buteau. Et je crois que ce sacré-là est effectivement présent dans la lutte des gens pour la libération dans quelques domaines que ce soit. Alors là, je crois que les artistes engagés dans une recherche lutte pied à pied pour le sacré, bien sûr. Paul Hormann. À mon sens, toute musique est transcendante et toute musique a ce contact avec n'importe quoi qui est la vie même. Quand Messiaen écrit, par exemple, les trois petites liturgies de la présence divine, c'est une œuvre qui relève du sacré, non ? Oui, parce qu'elle ne peut certainement pas servir à l'Église, donc elle ne peut pas servir pour le culte, mais il faudrait, je crois, lui demander à lui-même ce qu'il pense. J'imagine qu'il vous dira que c'est sacré. Et en tout cas, il y a des tendances chez Messiaen, son désir d'associer les rythmes de la nature, les chants d'oiseaux, qui évidemment confinent à quelque chose qui serait sacré. Pour le reste, je suis persuadé qu'il y a un besoin de sacré aujourd'hui, qu'il y a aussi un besoin inconscient d'une sorte de musique qui se formera peut-être un jour, mais nous n'y sommes pas encore. Et cette musique, évidemment, comme toute musique, témoignera de ce que vous appelez le sacré, parce que c'est l'essence même de la musique, à mon avis. Est-ce que l'évolution du langage musical aussi n'a pas rendu plus difficile peut-être l'expression d'une certaine foi? Parce que si on considère une des grandes révolutions du langage musical au XXe siècle, et que le deviennent Schoenberg et ses disciples, ce qui frappe, c'est que justement aucun d'eux, à part Schoenberg dans une certaine mesure, n'ont écrit d'œuvres religieuses. Est-ce que vous pensez que l'évolution du langage musical rend peut-être plus difficile l'expression d'une certaine foi, d'une certaine croyance? Si la technique, mettons, aléatoire ou dodécaphonique peut exprimer exactement une notion du sacré, je ne crois pas qu'en soi elle puisse le faire, parce qu'enfin la notion de sacré n'a peu de valeur que s'il y a un rapport avec un sentiment humain général, c'est-à-dire plus ou moins un rapport, disons, enfin, pour parler d'une façon tout à fait naïve, un rapport en quelque sorte tonal ou autre, que les gens puissent avoir un contact avec la musique. Alors, si cette musique est purement de calcul, elle peut être intéressante, mais je crois qu'on ressent quand même, si une œuvre est véritablement profonde, eh bien, on le ressent dans un musicien que je n'aime pas énormément, mais si vous voulez, dans Stockhausen. Oui, Stockhausen exprime justement un certain sentiment aussi de relation avec le cosmos dans ses œuvres, par exemple, appelons-les mystiques, entre guillemets. Il demande à l'interprète de se mettre en communication avec les vibrations du monde entier, etc. Ça, au fond, c'est un petit peu aussi tout de même le sentiment du sacré. Très souvent, les artistes aujourd'hui jouent avec les objets au lieu de les vivre réellement. On voit ça, par exemple, avec une espèce de, excusez-moi le mot, mais une espèce de pitre comme John Cage. Eh bien, il est évident qu'il joue avec le bouddhisme zen, il joue avec le Yi Qing, il joue avec des tas de choses, mais ça n'est pas sérieux, ça n'est pas profond, ça me gêne, enfin. Il est évident que Sébastien Bach n'a jamais joué avec des chorales, ni avait joué avec n'importe quoi de semblable. Il les vivait, c'était tout autre chose. Une œuvre intuitive de Stockhausen, illimitée. Quatre. Date. Thank you. Jean-Claude Éloi. Pour moi, personnellement, je crois qu'il y a de la part du public une tendance à parler du sacré dès qu'il y a magie, dès qu'il y a hypnose, dès qu'il y a un certain mystère et une certaine tendance à la concentration de la musique, si vous voulez, ou à la méditation. Or, la musique contemporaine, qui a échappé à des cadres habituels de perception, a déjà une certaine facilité, une certaine supériorité sous cet angle-là par rapport à des musiques classiques assimilées par leur public, pour briser avec des cadres d'habitude et placer les auditeurs devant des situations où l'œuvre apparaît comme mystérieuse. À partir du moment où elle est mystérieuse, on la respecte, elle est parfois un peu angoissante, ou si c'est une œuvre qui s'inspire, par exemple, comme dans certaines musiques actuelles de l'Orient, n'est-ce pas, ou qui se réfère un peu à des musiques orientales, elle a tendance à viser à l'hypnotisme, et le public est comme pris dans un étau de conscience, comme ça. Moi, en ce qui me concerne, je crois que dès qu'on échappe à la dimension quotidienne, à la dimension habituelle, on a tendance déjà à faire naître quelque chose qui est d'ordre sacré. Enfin, pour moi, le sacré, c'est l'absurde. Alors, en revenant de cette expérience de l'absurde et en essayant de célébrer à travers une œuvre, par exemple une œuvre électronique, de célébrer le monde, de célébrer la conscience cosmique des choses, ma conscience peut avoir été élargie dans ces dimensions. Mais alors, pour moi, le sacré, ce n'est pas du tout lié à un dieu ou à la célébration comme une religion, n'est-ce pas ? C'est la célébration de l'univers, c'est la célébration du rapport entre l'homme et l'univers. Ce serait plutôt la célébration de l'absence de Dieu. C'est ça, c'est le rapport à un mystère qui exprime une dimension différente. Oui, et justement, la musique moderne a le pouvoir de faire une grande différence entre les œuvres qui cherchent à élargir, à imposer un élargissement à la conscience de l'auditeur. Je pense par exemple à la différence énorme qu'il y a dans des œuvres de Karlheinz Stockhausen entre ses contrapunkte, qui est une œuvre de recherche plutôt formelle, mais au sens le plus élevé du terme, pas du tout au sens sclérosé du terme, et une œuvre comme Stimmung, par exemple, qui vise vraiment, enfin qui a un pouvoir de fascination sur l'auditeur extrêmement grand. Les auditeurs, en écoutant Stimmung, disent « Ah, c'est une œuvre sacrée ». Par contre, s'ils écoutent Contrapunkte, ils disent tout de suite « Bon, c'est une œuvre de musique, tout simplement ». Ils ne cherchent pas du tout de présence sacrée dedans. Alors, vous voyez, à l'intérieur d'un auteur comme Stockhausen, on trouve vraiment des énormes différences entre une musique que le public va dire sacrée et une musique que le public va qualifier de profane. Ben, en tous les cas, je crois que la musique a un grand pouvoir. Elle peut vraiment fortement agir sur les consciences. Je crois vraiment qu'elle peut arriver à transformer la conscience des auditeurs, dans certains cas, pas toutes les musiques, mais certaines musiques et qui joue sur le pouvoir magique de s'identifier complètement à des sons extrêmement puissants comme l'électronique peut nous en fournir, par exemple. Je suis sûr qu'un auditeur qui écoute les hymnes de Stockhausen, par exemple, s'il a vraiment senti profondément cette musique, il en sort modifié, il est modifié par cela. Comme me disait une amie récemment en riant, il faudrait faire entendre les hymnes de Stockhausen à Pinochet. Ça lui ferait du bien. Je crois effectivement que la musique a ce pouvoir sur les consciences. C'est un peu comme une discipline corporelle peut avoir quelquefois le pouvoir de donner de la maîtrise aux hommes, par exemple. Bon, comme le yoga a un pouvoir, c'est une discipline, finalement, je m'intéresse pas tellement à tout le fatras mauvais philosophique qu'on peut mettre autour. Mais quand ça devient une discipline physique de domination des réflexes, là, ça devient très intéressant. Et la musique peut jouer aussi ce rôle-là. Ahura Mazda. Stockhausen, Stimmung. Wasser trinke aus der hohlen Hand, werden meine Backen deine Brust. Die Lippen rosabraun ein Zitzenring, und trinken tu ich durch das runde U, das deine Spitzchen küsste nächtelang. C'était Le Sacré dans la musique contemporaine. Une émission de Marcel Kroes avec des témoignages de Gilles Tremblay, Yanis Xenakis, Pierre Barthelemé, Paul Hurman et Jean-Claude Éloi. Collaboration Jean Rocroy, Jean Rizernadal. Réalisation Ronald Tenen. Collaboration technique André Thompson. Aspect du sacré dans le monde moderne est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Dein Ton in meinen Bronze-Chalilou-Zypresten.